Ça va les amigos? Ça va, ça va. Ça y est, j'ai fait le test sérologique. Ah. Alors, t'as rien? Négatif, jamais eu le Covid. Je suis dégoûté. Ouais, t'aurais pas trop aimé qu'on me dise par contre... vous l'avez eu? J'ai fait moi, je l'ai eu. Oh, je m'en suis même pas rendu compte. Bon, vous savez, moi j'ai un système immunitaire, c'est l'équipe de France, hein, ultra défensif, mais qu'est-ce qu'il est efficace. En plus, j'avais fait une énorme grippe. Allez, mec, jusqu'au bout, jusqu'à ton lit de mort. Jusqu'à mon lit de mort, je lâcherai rien. J'avais fait une énorme grippe en plus début février. Je crois que vous vous en rappelez pas à cause de votre absence d'intérêt pour ce que je suis en tant que personne humaine. Pour vous, je suis juste le chroniqueur star de cette émission, mais j'ai aussi un cœur. Hein. Moi, début février, j'étais malade comme un chien et a posteriori, tout le monde m'a dit ouais, non, c'est sûr que t'avais le Covid. Et en vrai, j'espérais, mais au fond de moi, je savais quelque part que c'était pas le Covid. C'est pourquoi, parce que ce jour-là, quand j'avais fait une chronique, à côté de moi, il y avait Patrick Chesnais. Et flagrant que si j'avais eu le Covid, j'aurais tué Patrick Chesnais, c'est sûr et certain. Quelle horreur. Il a tout le talent du monde, mais c'est sûr qu'il a un risque. Mais il l'a eu, c'est sûr. Pauvre. Mais oui, bah, c'est certainement moi. C'est moi alors. Mais non. Hein? Bah non, parce que tu l'as pas eu. Ah oui, c'est pas moi alors. Non, c'est pas moi. Et je vous ai jamais raconté ça, mais le soir même de cette chronique-là, j'ai joué mon spectacle à Bruxelles. J'étais au bout de ma vie et genre juste avant d'entrer sur scène, je crache dans l'évier et je me rends compte qu'il y a du sang. Je me fais ah, allez, vous me connaissez, de base, je suis infragile. Enfin, en cas de guerre, je me mets dans un abri, tu me revois plus jamais, quoi, tu vois. Mais cracher du sang, c'est quand même tendu, quoi. Nulle part, j'ai vu vous cracher du sang. Bonne nouvelle. Ah, une belle journée vous attend. Non, j'étais là, donc je commence à jouer et tout, mais dans ma tête, je me dis putain, je vais clamser sur scène, quoi, comme Molière, alors que j'étais à ça de laisser une trace plus grande que lui dans l'histoire de la littérature. Ah, j'ai quand même écrit une très belle dissertation, L'amour à plusieurs, utopie ou réalité, qui avait fait couler beaucoup d'angles dans mon cours de catéchisme, je me rappelle. Enfin, bref. Après 40 minutes à jouer et souffler, je dis au public désolé, mais je peux pas continuer et tout, je suis trop mal. Et là, forcément, les gens ils croient que c'est dans le spectacle. Ils font ah, très marrant. Allez, c'est bien, blague suivante, bouffon, blague suivante. Je dis non, vraiment, j'en peux plus et tout. Et je suis allé aux urgences. Et je vais aux urgences, j'attends 3 heures. Après 3 heures, il y a un médecin qui m'oscule, il me fait bon, ça, c'est une grippe. J'étais déçu. Moi, j'avais misé embolie pulmonaire, 8 contre 1, vraiment. Et je fais le sang. Elle me fait non, c'est à force de tousser, c'est rien. J'étais méfiant. Je me disais, elle a fait 7 ans de médecine, mais moi, j'ai quand même vu 2 saisons de Grey's Anatomy. Tu vois, donc, et depuis vendredi, c'est officiel, c'était pas le Covid, quoi. J'ai jamais eu. Ce qui veut dire que je peux choper le virus à tout moment, surtout en France, où vous avez plus ou moins 780 départements en zone rouge. La carte de France, c'est un steak caché, là, pour le moment. C'est horrible. Et ça n'a pas l'air de vous inquiéter plus que ça. Hein. J'ai joué à Lyon ce week-end, j'ai demandé aux gens s'ils voulaient bien mettre le masque. J'ai l'impression d'être Maurice Papon. Je te jure, franchement, c'était Dex. Je crois qu'à Lyon, je serais tombé mort sur scène après 40 minutes. Les gens fait juste ah bah c'est cool, on a le temps d'aller voir The Voice Kids à la maison. Vraiment, je suis de nouveau sur mes gardes niveau Covid. Et à ce propos, j'ai lu un article dans le Figaro qui était titré comment convaincre votre chef de vous laisser télétravailler. Ah. Vraie question ça, Nagui. Comment convaincre mon chef de laisser travailler? Qu'est-ce que ça change que je sois ici ou à Bruxelles? Hors chronique, moi je suis juste un élément de déco ici, hein. C'est pas que dans 5 minutes vous allez me faire et vous Guillermo, qu'est-ce que vous avez pensé du film? Mais Karine Viard, quelle carrière quand même. Oui, j'ai plein de choses à en dire, mais on me demandera jamais ce que j'en pense, quoi. À 11h40 Leïla elle va faire oui en 98 Karine Viard, vous écoutez la compagnie créole, d'où vient cet amour pour la chanson à texte? Je sais, je connais le truc. Et me dites pas, ok, bon, le télétravail, ça dope la productivité, mais c'est bon. Vous allez me dire, et la dynamique de groupe. Et la dynamique ouais, de groupe. Oui. Mais quel groupe? Quel groupe? Ici, Daniel, il me déteste, et je le prends pas personnellement, il aime personne. Leïla, elle me méprise, Morgane, elle veut faire un enfant avec moi. Ici, je suis en milieu hostile, quoi, vraiment. À Bruxelles, je serais plus en sécurité à Bruxelles. Allez, Nagui, s'il vous plaît. Hein, télétravail. Non. Allez, hein? Non. Très, allez, on est content de t'avoir avec nous. Merci, Guillermo.